vie, ton sang pour moi. Tu verras la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changé. Pour moi, tu veilles à la.